Bonsoir et bienvenue dans ce 13e numéro de la saison 4 de Space Hack, la première émission dédiée aux doyens des clubs français. On souffre quand on est supporter du Hack et on a encore souffert hier après-midi au stade Jean Bouin puisque le Hack s'est incliné face au Paris FC. Nous reviendrons bien entendu sur cette rencontre et nous vous ferons un petit point sur le maintien juste après le traditionnel tour de table. Il est le capitaine de l'émission aujourd'hui, mais aussi mon coach en création graphique, le vlogueur number one du Hack, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ouais, y a du boulot hein, pour te remettre au niveau. Ouais, mais bon, on avance. L'opération maintien était bien partie, mais ça commence à se compliquer. Je compte sur lui pour remotiver les troupes. JC est à nos côtés ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir Guillaume, bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Je vais faire de mon mieux, mais c'est pas gagné. On va essayer, c'est un petit peu la calinothérapie. Justement, en parlant de calinothérapie, on aura besoin de positif ce soir. Qui dit positif dit Vivien. Alors, je ne sais pas si Vivien est arrivé. On compte sur lui. Voilà, Vivien aime se faire désirer, donc Vivien sera avec nous dans quelques minutes. Mais SpaceX, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaire, et si l'envie vous en dit, de nous rejoindre en direct en studio. Envoyez-nous juste un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas, ça vous avez l'habitude, spacehack.contact@gmail.com, ou contactez-nous directement sur Facebook ou Twitter. Petit point Vivien, est-ce que Vivien est arrivé? Vivien n'est pas là. S'il y en a dans l'assistance qui sont plus ponctuels que Vivien, on vire Vivien, on le prend, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, il faut avoir 50 ans minimum. Il faut respecter la parité et ne pas faire dans le jeunisme. Exactement, non, exactement. Jamais. On a besoin. Au pire, on recrutera la maison de retraite. Tiens, regardez qui c'est qui arrive. Incroyable. Bah alors. Dis donc. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce soir-là. Attends, il rebranche le sonotone. Clic, clic. Bonsoir, Vivien. Je crois que Vivien ne nous entend pas. Il va nous faire son prono. Vivien, il faut que tu mettes ton micro. Paris FC 3, Le Havre 2. Il est balèze. On va le laisser, puis je vais continuer. On va défiler, et puis on espère qu'il nous rejoindra. Vivien, tu nous entends? Ça y est. Ah oui! Oui, on m'entend. Alléluia. J'ai oublié de brancher mon... casque, tout simplement. Voilà. Tout va bien. Donc voilà, dans l'assistance, si vous voulez qu'on vire Vivien, n'hésitez pas. Là, il est borderline en ce moment. C'est la vieillesse. Alors justement, Vivien, je parlais dans l'introduction, je disais qu'on était un petit peu en calinothérapie, donc on aura besoin de tes ondes positives ce soir. J'espère que tu es chaud. Pas de souci, ouais, carrément. Cool, parce que le but, c'est que tout le monde reparte avec le sourire et avec l'espoir avant la trêve internationale. Ce sera le cas. Comme je disais en tout cas en ouverture d'émission, il faut aimer souffrir quand on supporte un club comme le Hack. Il faut avoir les nerfs solides surtout. Le Hack qui comptait jusqu'à 9 points d'avance sur le barragiste il y a quelques semaines a vu son avance réduite à 5 points après ce week-end. Auxerre a en effet su saisir l'occasion en recevant un Brest fantomatique. D'ailleurs, on se demande si Brest était là. Samedi après-midi. Et le Hack dans tout ça, vous allez me dire, eh bien on va voir ça tout de suite avec pour démarrer un hommage encore une fois au Parc Javray. J'aimerais vous diffuser... pour une fois, une petite vidéo. Donc, je remercie au passage Sébastien Buron, journaliste à l'équipe, de m'avoir autorisé à utiliser cette petite vidéo. Et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Alors, petit bug technique, hein, vous voyez, hein, comme quoi je suis pas super bon. On recommence, on repart à zéro. Hop, voici la vidéo. Ah bah, qui se lance pas, forcément. Voilà. Voilà, super parkage, vraiment magnifique les gars. Si vous avez un petit mot pour le parkage, n'hésitez pas. Ils étaient 1000, hein, donc hier après-midi, à avoir fait le déplacement, à avoir donné la voix. Franchement, au niveau couleur et tout, ça rend super bien. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, ouais, les gars. Mais bah, les meilleurs avrés hier, hein, clairement, c'était le parkage. Déjà dit, je confirme. Surtout, voilà, en plus, ils ont fait l'animation Ponto qui était vraiment magnifique. Enfin, je veux dire, ça envoyait vraiment niveau couleur. En termes d'ambiance, on sait, bah, on l'a testé nous, hein, que les parkages avrés, c'est toujours très fort. Ouais. Donc voilà, eux, ils ont été à la hauteur. Sur le terrain, ça a été plus fluctuant, on va dire. Ouais, et les gars, franchement, c'était beau, hein, tout ce ciel et marine, JC et Vivien. Ouais, mais surtout que c'était original, parce que je crois que c'est la première fois que je vois un parkage habillé comme ça, d'un côté ciel et d'un côté marine. je trouve que c'était assez original et le rendu était sublime à la télé. Ouais, ouais, et puis même au niveau sonore, hein, pendant tout le match, on n'entendait que hein, les Parisiens. Je ne sais pas s'ils étaient au Parc des Princes. Enfin, non, il n'y avait pas de match, mais les Parisiens, il n'y a aucune ambiance. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, on a l'impression que. Catastrophique. C'est catastrophique. Voilà, c'est un nouveau club, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils rivalisent avec Monaco en termes d'ambiance. Mais non, bravo, bravo au parcage. C'était exceptionnel. Et puis, bah, de les voir comme ça. À la télé, de les entendre comme ça, franchement, ça faisait plaisir. Alors, pour débuter cette rencontre, encore une fois, le hack est apparu sur la pelouse de Jean-Bouin avec un 11 différent. Hop, je vais vous l'afficher tout de suite. Tac. Avec notamment la titularisation, je vais y arriver, de Félix Mbembi. Et côté absent, le hack était privé de Gauthier Lloris et Abdoulaye Touré blessé, ainsi que de Yanis Zouaoui, de Stéphane Zagadou suspendu. Malgré tous ces aléas, j'y sais, on va dire que cette compo était quand même plus ou moins attendue, à part évidemment la titularisation de Mbembi qui était un petit peu la surprise. Ouais, là, la surprise c'est Mbembi, c'est clair. Mais à part ça, oui, Diguer a fait du classique avec les joueurs qu'il avait en sa possession. Donc il a dû forcément reconduire Seco en défense centrale et puis son milieu de terrain habituel Ebonog, Gourna, Ndiaye, donc c'est du classique avec ses démons Mbembi. Et après aussi le petit Kofi, mais de toute façon il n'avait pas le choix vu que Zouaoui était suspendu, donc je pense que c'est la compo qu'on aurait pu tous faire à un élément près. Ouais, justement, Thomas, encore une fois, on le voit sur le visuel, on est encore avec ce fameux 4-4-2 en losange. Voilà, c'est un ouais, qui a bien marché à une époque, qui a eu des coups de réussite et on a fait quelques très bons matchs avec ça. C'est moins le cas, et clairement, ça a été moins le cas hier. Après, oui, voilà, bon, devant Mbembi, surprise. Oui, surprise, parce qu'on sait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu encore mon titulaire. Après, on en revient et on va en discuter, mais du fait que personne s'impose devant, donc à un moment, pourquoi pas tenter de relancer Mbembi, pourquoi pas tenter de relancer Kiremé, je pense que ça aurait pu jouer à pied ou face, limite. Après, derrière, effectivement, ouais, bah, Kofi, parce que Zouaoui n'était pas là. Pembele, qu'on voit peu, je suis un peu déçu de le voir moins que l'an dernier, parce qu'on s'est quand même battu pour le faire revenir, et lui, je crois, s'est battu un peu avec son club, donc ça aurait pu être un match où tu tentes Pembele à la place de Kofi. Ça n'a pas été le cas, enfin, ça a été le cas a posteriori, mais voilà. Donc, ouais, quelques petites surprises, mais on n'est pas non plus tombé de notre chaise en voyant la compo. Bah, les dernières sorties de Kofi étaient quand même assez encourageantes, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, oui. Oui, il y a eu quelques matchs, effectivement, où il a fait des rentrées intéressantes, mais l'interrogation, et on a eu la confirmation hier. C'est que est-ce qu'il est capable de tenir un match entier, est-ce qu'il est capable d'enchaîner les matchs contre des équipes avec des profils différents, parce que c'est encore un jeune joueur qui a besoin de prendre la bouteille, besoin de se faire l'expérience, et on voit que voilà, super à coup, c'est peut-être bien, c'est peut-être un bon super sub pour Zouaoui, mais est-ce qu'il est capable d'être un titulaire en puissance? Je pense que c'est encore un petit peu tôt. Là, cette titularisation là contre Paris FC fait aussi suite à la titularisation déjà de matchs précédents contre Lyon. Donc, il y avait une part de logique qu'il soit à nouveau titulaire, et c'était aussi le fait de faire deux titularisations de suite qui l'a peut-être mis en difficulté. Voilà, ça sera à voir pour les prochains matchs, où c'est peut-être aussi l'adversaire, parce que s'il avait en face à face, c'était assez costaud. Hein. Ouais, il avait un sacré client, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai que c'était difficile pour lui. Revenons, si vous voulez bien, on va attaquer directement dans le dur, puisque les 20 premières minutes en soi ont été quelconques, pour pas dire chiantes. C'était vraiment. Hein, voilà, ennuyeuse, exactement. On va revenir directement sur le premier fait de jeu, sur l'ouverture du score du PFC par l'intermédiaire de l'ancien international italien Ciro Immobile. Si on m'avait dit un jour que je prononcerais le nom de Ciro Immobile dans un space hack. Enfin, bref, rappelons juste l'action. Hop, un super visuel encore fait maison, vous avez vu ça. Corner pour le PFC joué à deux, passe en très loin de la surface qui fait sortir toute la défense et les Marines. Centre de Lesmelou, si je ne dis pas de bêtises. Remise de la tête dans le dos de la défense de Coppola pour Immobile. La suite, vous la connaissez. 1-0. JC, est-ce que la défense a été trop naïve sur ce coup ou est-ce qu'il n'y avait rien de mieux à faire selon toi? Bah oui, là, t'es un petit peu naïf sur le coup. Déjà, ça commence dès le corner où je trouve qu'il y a c'est un manque de pressing à ce moment-là, où on voit effectivement une sorte de long centre qui va sur l'autre côté et ça revient. Et là, à ce moment-là, effectivement, il y a une avancée qui est faite de la défense, notamment de Seco qui s'échappe un petit peu du marquage et revient et c'est trop tard. Et on voit la remise et Immobilier qui est tout seul, qui est malheureusement qui est couvert par Nego. Alors ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Mais il y a quand même un mauvais alignement de la défense et c'est un enchaînement de petits éléments qui font que et derrière il arrive à scorer. Voilà. Mmh. Ouais, tu parles de l'alignement, le but a été checké par la VAR et a été validé, donc ce qui n'avait pas du tout en jeu. Ça doit pas se jouer à grand chose, je pense, quand même. Mais... complètement, mais ils ont super bien joué le coup hein, sur cette affaire. Oui. Vivien, quand on connaît la valeur et la qualité d'un Tiro Immobilier, ça fait quand même mal de le voir esselé comme ça dans la surface. Hein. Oui, lui ou un autre, la défense était complètement aux fraises. Enfin, ils étaient d'une naïveté confondante sur la première mi-temps. On analyse le premier but, mais on peut l'élargir à l'ensemble de la première mi-temps. On n'a pas retrouvé du tout la défense à Vraise habituelle, on ne les a pas retrouvés, quoi. Complètement à la ramasse, incapable de lire les bonnes trajectoires. On avait même l'impression qu'ils avaient du mal à communiquer entre eux à plusieurs moments. On a vu, ils se comprenaient pas, ils se regardaient. Ils avaient l'air tous perdus. Au niveau des transmissions des ballons, c'était pas ça non plus. Enfin, comme s'il y avait une forme de malaise général et ça s'est concrétisé par ces buts évitables parce que, quand on n'est pas en place, qu'on n'est pas en confiance et je pense qu'on va revenir au petit Kofi de tout à l'heure. Je pense que sa contre-performance est peut-être aussi directement liée à la performance générale de l'équipe. Quand t'es un jeune joueur, t'as besoin de te reposer sur les cadres. Et là, les cadres étaient défaillants. Et je pense que tout ça, tout ça a découlé, en fait, derrière. Donc, Thomas, je te vois acquiescer de la tête. Je te laisse rebondir sur ce que dit Vivien. Ah oui, je suis complètement d'accord avec le point de Vivien, à savoir que un jeune comme Kofi, il a besoin d'être porté par l'équipe. C'est évidemment pas à lui de porter l'équipe. Et quand toute l'équipe est un petit peu en dents, ou en tout cas toute la ligne défensive, parce que je suis d'accord avec lui, hein, hier au moins en première mi-temps, toute la ligne défensive a été à l'ouest. Forcément qu'un jeune, il va plonger avec l'équipe peut-être un peu plus vite que le reste de l'équipe d'ailleurs. Et du coup, ça n'a pas joué en sa faveur. C'est là où peut-être un taulier comme Lloris nous manque, parce que c'est vrai que ça manquait de caractère derrière hier. Donc voilà, mais je suis complètement d'accord avec Vivien. Hein, Kofi, il a 19 ans, je crois qu'il n'a pas encore 20 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est pas lui de porter l'équipe. Et forcément, quand ça plonge, il plonge avec, voire même il plonge un peu plus fort parce qu'il manque d'expérience. Mais ça fait aussi partie de nos limitations cette saison. On a pioché beaucoup dans la réserve. On a parfois eu des bonheurs et il y a des matchs où c'est un peu plus dur. Donc faut les assumer. Hein, quand tu as un club qui se base sur la formation, tu as des bonnes comme des mauvaises surprises, des bonnes comme des mauvaises rencontres. Non, là, clairement, hier, c'était pas le cas. C'était pas une bonne rencontre. Ouais, tu avais l'impression par moment qu'il n'y avait pas d'automatisme. Tu avais l'impression que l'équipe se découvrait. L'équipe a semblé totalement perdue dès le premier but encaissé. Parce que juste avant l'encaissement du but, on faisait notre match bon an mal an. C'était pas flamboyant, mais ça, on avait un semblant de niveau. Mais après, c'était une catastrophe, il ne s'est rien passé. On aurait pu finir à 3-0, 4-0 à la mi-temps. Franchement, c'était pareil. La défense était totalement perdue. Les latéraux. C'était très très très compliqué et même Nego, il a pris sévère le pauvre. Donc c'est vrai que ça le rendu est assez compliqué pour nous parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ça. On a une très très belle défense d'habitude et là les voir comme ça perdus, c'est vrai que ça m'a totalement surpris. Ouais, c'est surprenant. Tu disais qu'effectivement on aurait pu en prendre 3-4. Le deuxième but arrive 4 minutes plus tard. Juste avant, tu parles de Nego. Et je voyais aussi Marine qui disait que Nego avait loupé complètement son match. Je sais pas si vous vous rappelez, mais juste après le premier but, le PFC a continué vraiment à pousser fort. Et ouais. Nego veut repasser la balle à Kofi. Il appuie mal, ça passe. Kofi n'arrive pas à la récupérer. Le joueur du PFC lance directement Mozzie Simon sur le côté gauche qui enrume encore Nego. Il se présente face à Mori Diao qui arrive à la détourner comme un goal de hand. On aurait pu prendre un deuxième but, mais quasiment instantanément. Ah oui. Les deux latéraux là se sont troués et puis on voit la différence avec un mec comme Mozzie Simon contre Loïc Inigo, bah, c'est deux classes d'écart. Quoi. Enfin... De toute façon, Mauridio, il en a sorti quelques-unes hein, quand même hier, hein, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, ouais. Il y en a eu pas mal, il y a eu une barre. Ouais, je revoyais les temps forts, effectivement, et il s'est quand même bien employé en première mi-temps. Donc oui, en dehors des buts déjà où la défense n'était pas folichonne, il y a eu plusieurs fois où la défense a été prise et c'est Nego qui nous sauve, ou la barre, comme tu dis, effectivement, il y a eu la barre aussi en fin de première mi-temps. Donc effectivement, on a pris le bouillon derrière hier, hein, clairement. Ouais, donc comme je disais, hein, le but avait quand même été un coup sur la tête hein, de Noah Vray. Comme à Nantes, comme à Brest, et les Parisiens en ont profité en continuant à pousser. Hein. Donc je te disais, 4 minutes après le but, on remet ça. Moses Simon encore, lancé sur le côté gauche, enrume une fois de plus Loïc Nego, centre. La balle est reprise de la tête et expédiée sur Lesmelou, étrangement seul dans la surface. Reprise de volée contrée par Seco et but du break avec un CSC. Encore un superbe visuel, comme vous pouvez le voir. pardon. Je vais y arriver. Thomas, si l'équipe est passée au travers de cette première mi-temps, la défense, on peut le voir là, elle était complètement au champignon. Ah bah, comme sur le premier but, hein, où tu avais Immobile qui était tout seul, là pareil, tu avais Smelo qui est tout seul. C'est encore plus flagrant, je trouve, là. Y a eu des errements défensifs, parce que ouais, il y a des fautes de marquage, mais c'est même pas les mêmes joueurs à chaque fois, c'est pas un de nos joueurs qui est particulièrement, c'est toute la défense effectivement qui suit pas, qui est pas là. T'en as pas un non plus pour replacer, parce que c'est un peu le rôle de son grand par exemple, qui est capitaine, de dire bah, attention, il y a un mec là-bas. Ou même de Mauridio, qui bah, gardien a normalement une meilleure vision. Enfin voilà. Il y a vraiment, effectivement, on le disait un peu tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un problème à communiquer dans cette défense hier en première mi-temps, et on l'a payé cash, hein, parce que sur ce but-là, bah, clairement, bah, tu vois, il est à combien, je vais pas dire bêtise, mais il doit être à pas loin de 10 mètres. Le premier à vrai, donc forcément, c'est si la balle lui arrive, il fait ce qu'il veut, et effectivement, il a fait ce qu'il veut. Et puis la différence aussi, les gars, c'est que Lesmelou, un joueur comme Lesmelou, il tente une reprise de volée, il la met. Enfin, il la met là, il a eu du bol, mais elle part pas dans les tribunes comme nous quand on tente une reprise de volée. En général, elle sort du stade. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils ont des joueurs, en tout cas, le PFC a des joueurs de cette valeur et de ce niveau qui leur permet de faire la différence sur des erreurs défensives. Déjà, ce qu'il faut, c'est être capable de prendre sa chance. Parce que le souvent aussi, ce qu'on peut reprocher au WAC, c'est que parfois, on est en bonne situation de tirer et on va pas faire le tir, on va rechercher la passe. Et quand on tire, bah, c'est vrai que bon, c'est assez compliqué. Je repense à là tout au début du match, on a une belle occasion de Ebonog, où je pense que c'est un joueur qui est en face, un immobilier, bah, ça fera but. Et nous, bah, je sais pas pourquoi, Ebonog a malheureusement à topé la balle et ça part sur le côté. En fait, ça fait même pas une occasion en réalité, alors que il y avait juste à bien se concentrer, à prendre la balle comme il faut et ça doit faire petit filet. Et c'est vrai qu'on est incapable d'être dangereux et d'avoir une sorte de contenance sur ça. Et c'est vrai que déjà, on a des difficultés pour marquer et le peu d'occasions qu'on va avoir, on va avoir tendance à faire de pas avoir cette justesse technique qui fait que on doit être en mesure de marquer. Et on est en Ligue 1, on a des joueurs de niveau Ligue 1 et j'ai l'impression que dès qu'on est dans la surface, bah c'est pas le cas. Voilà, on a des joueurs lambda. Vivien, je sais pas si tu as vu le commentaire de Steve qui dit quand on tire, c'est vraiment moche. C'est le cas en fait, parce que moi, alors, je ne sais pas vous, mais dès que je nous vois tenter une frappe, je la vois tout de suite au-dessus, dans les bras du goal, et encore, je ne les vois pas cadrer. Je ne sais pas si vous êtes dans le même état d'esprit que moi, mais moi, quand je sens qu'on va tenter, ça ne me fait rien. Je pense qu'il y a un aspect psychologique là-dedans, parce que j'ose imaginer quand même que des joueurs de Ligue 1, parce que ce sont des joueurs de Ligue 1, ils savent frapper au but là, sur la situation des Monogues. Comme tu disais, JC, il y avait juste besoin de se concentrer un minimum, de limite fermer les yeux, puis taper fort devant. Et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a fermé les yeux, c'est ça le problème. Oui, mais même en frappant, il a frappé, peut-être fermé les yeux, mais je sais pas, une absence. Et comme s'il était devenu un joueur de niveau DH, et même en DH, je suis sûr que ces ballons-là, il les loupe pas. Quoi. Et je ne suis pas du genre à dire que les joueurs, là, c'était tellement flagrant, le manque de confiance. Je suis sûr, à l'entraînement, ces balles-là, ils les mettent pour les joueurs. Mais en match, ça passe pas, quoi. Et ça se multiplie à chaque rencontre. On a l'impression qu'ils sont. Il y a un bloc. Et ça s'est un petit peu décoincé quand Soumaré a marqué ses trois buts en deux matchs contre Strasbourg et Toulouse. Mais depuis, j'ai l'impression qu'on souffre de nouveau des mêmes maux, quoi. C'est l'incapacité à être efficace devant le but, alors que sur des situations, on va dire, assez simples, assez basiques pour des joueurs de Ligue 1. Alors, on en parlera tout à l'heure, puisque l'efficacité, finalement, on l'a retrouvée. Dans, voilà, la surprise générale, parce que quand on voit la première mi-temps, honnêtement, si tu m'avais dit qu'on allait perdre 3-2, je l'aurais pas cru, mais on en parlera. On a quand même marqué, donc il y a quand même des motifs d'espoir, et on va en parler tout à l'heure pour que, je le disais, tout le monde reparte avec le sourire et un peu plus d'espoir. En tout cas, c'est le but. J'y sais, pour se maintenir, en tout cas, le HAC va devoir se réveiller et jouer avant la mi-temps, quoi, parce que là, à Nantes, c'était cata la mi-temps, la première mi-temps, Brest, c'était pareil. Ouais, alors après, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un petit syndrome des matchs à l'extérieur, parce que les matchs à domicile, le rendu est totalement différent, et on a bon an mal an, on prend des points. Enfin, je veux dire, c'est pas, le sujet n'est pas du tout là. Par contre, à l'extérieur, ça le fait pas du tout, parce qu'à chaque match, en première mi-temps, on est mené au score. Donc c'est quelque chose qu'on traîne déjà depuis un certain temps. Autre que nos difficultés à marquer, mais et quand on marque là comme hier, bon bah finalement on arrive à perdre le match quand même. Moi c'est plutôt ce petit syndrome qui commence à s'instaurer à l'extérieur qui me gêne. Plus pour que le rendu d'une première mi-temps. Bon, il était, ouais, là, complètement. J'ai 90 minutes donc. Et pour réveiller les troupes, même si ce n'était pas son argument finalement, Didier Digard a fait un choix assez inédit en faisant deux changements avant la mi-temps, ce qui est, ouais, comme je disais, très très rare. Félix Mbembi remplacé par Yacine Keshta et Enzo Kofi par Timothée Pembele. Thomas, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce qu'il a vraiment joué, Mbembi? Et c'est que le pire, c'est que j'étais content de le revoir, moi, hier, sur un petit message sur la zone. Je suis ouais, Mbembi, il a fait 2-3 matchs qui n'étaient pas inintéressants, c'est cool de le revoir et tout. On l'a pas vu du match. Non. Alors après, clairement, de toute façon, vu la déliquescence sur le terrain, on n'a pas vu Sommaré non plus, hein, je vais être honnête. Et je pense qu'il paye aussi l'envie de faire rentrer Keshta et qu'à un moment, il fallait sortir un plot. Donc c'est Mbembi qui sort, mais je pense qu'il y en aura pu avoir un ou deux autres qui sortent. De toute façon, je crois que Digard a dit qu'il aura pu sortir quasiment tout le monde à la mi-temps. Oui, on y vient justement. Voilà. Tiens, tu me grilles, regarde. C'est ce que Rasoul NJ a dit en zone mix. À la mi-temps, le coach nous a dit qu'il aurait pu remplacer toute l'équipe. Donc c'est exactement ce que tu disais. Bah, je suis complètement d'accord. Enfin, je veux dire, à un moment, en première mi-temps, t'en as pas un hier qui surnage. Et donc, Mbembi, ouais, moi j'étais content de le voir. Bah, du coup, je ne l'ai pas vu vraiment. Hein. Sur la photo de groupe au début, c'est le seul moment où j'ai vu Mbembi, c'est quand ils ont posé pour la photo. Ça, et le pauvre, je ne sais même pas combien de ballons il a touché hier, mais ça doit être catastrophique. Et après, voilà, la question, c'est comment est-ce que lui il peut ressortir d'un match comme ça, comment est-ce qu'il peut se remotiver, lui qui revient alors qu'on l'a très très peu vu récemment. T'es là, bon, qu'il se fasse couper, limite, je pense qu'il a compris que c'était pas forcément lui plus qu'un autre, parce que bah, justement, le coach l'a dit clairement. Mais comment tu reviens d'une titularisation comme ça? Ce sera pareil pour Kofi, il faudra se poser la question également, mais ça doit être dur à encaisser quand même. Ouais, complètement. Vivien, on a souvent loué justement les entrées en jeu de Enzo Kofi, mais pour une fois, il est complètement passé au travers de son match, hein, le pauvre. Ouais, on redit un petit peu ce qu'on a par rapport à ce qu'on disait de lui tout à l'heure, c'est que ouais, il a tout raté. Je crois qu'il n'a pas gagné un seul duel. Toutes les statistiques sont très très mauvaises. Et je les ai plus en tête exactement, mais vraiment c'était le match complètement catastrophique. Mais bon, je n'en veux pas parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un gamin. Comme la semaine dernière contre Lyon en défense centrale, Zagadou, qui se fait expulser pareil à la 55e. Voilà, c'est des jeunes. Ils débutent. En fait, on les met dans des situations peut-être un peu trop rapidement par rapport à leur maturité. C'est que comme on est en situation d'urgence et qu'on veut donner la chance à nos jeunes pour les valoriser, un, et parce que deux, il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence actuellement dans l'effectif, on surexpose nos joueurs et le risque, alors les jours où ils performent, tout le monde les encense en disant super, c'est le futur de la KV, bravo les USO. Et puis le jour où ils font des performances moyennes ou moins bonnes, derrière, faut pas leur tirer à voler rouge dessus. Puis surtout, faut que ça n'entame pas leur confiance pour l'avenir, parce qu'on va avoir besoin d'eux d'ici la fin de saison et puis à partir de la saison prochaine, parce que ces gamins-là, ils seront toujours là. D'autres joueurs vont quitter l'effectif, certainement en nombre, mais eux sont là. Donc il va falloir les garder dans le jus et puis les protéger. Ouais, complètement. Là, il est passé au travers de son match comme toute l'équipe. Il est jeune. Et puis, comme on le disait, voilà, peut-être problème d'automatisme, etc. Enfin, c'est vrai que les joueurs, problème de communication. C'est des choses qu'on ne reverra pas à chaque match, je l'espère. Mais oui, Kofi, c'est l'avenir. Ça sera un futur taulier, les gars. Donc, oui, c'est sûr. On le reverra à coup sûr de toute façon. S'il n'est pas vendu. S'il n'est pas vendu. Voici. 70 millions, pas plus, pas moins. Je suis intransigeant. Chaque joueur, c'est 70 millions. Voilà. Non, mais ouais, les plus jeunes, c'est aussi les plus gros prospects. Donc, c'est aussi ceux qui attirent le plus de regards. Hein, voilà, sur le match d'hier, il n'y a peut-être pas non plus. Sur le match d'hier, il a peut-être pas non plus trop attiré de personne. Enfin, peut-être. Non, il est titulé en Ligue 1 déjà. Oui, non, je plaisante. Ça va attirer. Je plaisante. Moi, je pense qu'on le perdra quoi qu'il arrive. Kofi, on peut peut-être encore garder une saison, mais je pense qu'il va avoir des demandes. Et puis surtout, ça va dépendre aussi. Bon, on va pas refaire le débat, on l'avait vu il y a quelques temps, je pense qu'on l'aura en fin de saison. De ce que veut faire l'investisseur. Est-ce qu'il veut verrouiller ces joueurs-là ou est-ce qu'il veut faire rentrer de l'argent? Ça va être trop tôt pour le savoir. Oui, on va déjà attendre de voir ce qu'il y a. On fera un numéro spécial compte bancaire, compte avec JC et Gilles. Voilà, ils nous feront une émission spéciale finance. Mi-temps, donc 2-0 pour le PFC. On se doute que le coach a dû pousser une sacrée gueulante. Comme je disais, si on croit à Soulendia, et en tout cas, à la mi-temps, le coach nous a dit qu'il aurait pu remplacer toute l'équipe. C'est vrai qu'il n'y a plus rien à dire sur cette première mi-temps. Ça a été une des plus... Alors, j'allais dire, c'est une des plus catastrophiques de la saison. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque match à l'extérieur, Thomas. Ouais, mais c'est vrai. Enfin, pour moi, elle est encore plus catastrophique que ce qu'on a fait à Nantes. Donc après, voilà, c'est un petit peu nuancé par le fait qu'en deuxième mi-temps, on s'est repris quand même hier à Paris, ce qu'on n'avait pas réussi à faire à Nantes pour le coup. Mais ouais, non, la première mi-temps hier, elle est indigeste à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, franchement, c'est, et comme disait JC, on peut en prendre 3, on peut en prendre 4. Enfin, on a été hier aussi mauvais que la saison dernière quand on était dans le dur, en première mi-temps. Ouais. À la différence de Nantes, Nantes était vraiment tarte quand ils nous ont battus, parce qu'on leur donne 2 buts gratos, et dans le jeu, ils produisaient rien. Hier, quand même, Paris, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même pas... On a été mauvais, mais Paris était bon. Voilà, faut aussi on parlera aussi certainement du match Auxerre-Brest, où on en dépassera tout à l'heure aussi. Hein, les performances en fait sont aussi en fonction du niveau de la diversité, quoi. Donc, mais bon, voilà, c'est tarte, hein, c'est nul. Enfin, contre Nantes, contre Brest et contre Paris, on a vu trois non-matchs à l'extérieur. Faut vraiment qu'on réagisse et que Diguard trouve des solutions, parce qu'on va avoir des matchs importants contre Nice, à Nice, à Angers, très rapidement. Et là, c'est des matchs capitaux. Hein. Faudra pas se foirer, parce que même un point, faudra peut-être même le point qu'on peut gratter chez l'un et chez l'autre, ce seront des points peut-être certainement importants pour le maintien à la fin. Donc, faut arrêter la spirale négative des défaites à l'extérieur et peut-être jouer sur mettre le bus derrière, j'en sais rien. Après, on réfléchira peut-être aux solutions qui existent, mais peut-être que Diarra devra revoir sa façon de jouer à l'extérieur et peut-être proposer un match, un football moins chatoyant, mais peut-être plus réaliste et plus solide. Justement, pour réussir ces matchs à l'extérieur, comme tu dis, est-ce qu'il vaudrait même mieux se retirer la pression en battant Auxerre dans 2 semaines? Parce que c'est plus la même si tu as 8 points d'avance. Bah voilà, c'est ça. Si tu as 8 points d'avance à 5 journées de la fin, tu vas aller à Nice, à Angers, pas en touriste, mais en tout cas beaucoup plus relâché et beaucoup plus détendu. Et puis là, on finit en Europe. Non, c'est trop tard ça. Et chaque match qu'on est relâché et détendu, on n'a pas été très bon. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est effectivement, ouais, si on bat Auxerre, ça sera différent. On sera beaucoup moins détendu. Totalement. Oui. Bon, c'est quasi fini que tu bats Auxerre. Mais... Hein? C'est quasiment fait si tu vas au CR, oui. Oui. Bah, ce sera une première finale, hein, on va pas se mentir. Oui, complètement. Surtout que pour la rencontre d'après, Auxerre et Nantes vont s'affronter. Donc Nantes va jouer à Auxerre et Nantes aura le couteau entre les dents, parce qu'eux aussi ont pour mission de rattraper Auxerre pour essayer de récupérer la place des barragistes. Donc ça aussi, ça va être un match qui va être très très important pour la suite du championnat. Ouais, on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. J'y sais, en tout cas, le hack est revenu en deuxième mi-temps avec un meilleur visage. Bon, tu me diras, tu peux pas faire pire. Oui, et encore. De meilleures intentions, en tout cas. Certains. Non, bah, disons qu'il y a aussi l'adversaire, le Paris FC, qui s'est mis aussi à reculer, qui nous a laissé le ballon. Et on sait très bien à qui on avait affaire. Quand Boiré, il nous a analysé, il sait très bien que quand nous avons la possession du ballon, on est rarement dangereux, qu'on a tendance à doubler, redoubler de passes et qu'on n'est pas forcément plus dangereux que ça. On fait des centres, c'est vrai, mais qui ne sont pas toujours très... qui ne trouvent jamais, enfin, rarement de partenaires et derrière une action dangereuse, enfin, du moins une conclusion. Ce qui nous remet un peu dans le match, moi, c'est plus le carton rouge. Qui tombe un peu du ciel. Et derrière, par contre, oui, jusqu'à la réduction du score, on a été pas mal. Mais ça durait pas forcément très longtemps, ça durait une quinzaine de minutes. Et après, on est revenu un peu à ce qui se faisait entre le moment de la reprise et le carton rouge. Tout mon conducteur. C'est la boulette. C'est bien. C'est la boulette. Merci d'avoir suivi ce space. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Allez, bisous. Hein. Bonne soirée. Bisous. Allez, à la plus. Non, mais t'inquiète pas, JC. C'est vrai que l'expulsion de Matondo a changé la donne, en tout cas pendant quelques minutes. On a commencé à pousser davantage et essayer de profiter de cet avantage numérique, notamment grâce à Sofiane Boufal. Thomas, c'est de lui qu'est venue une seconde lueur d'espoir après la première du carton rouge, avec la réduction du score de Rassoul à la 61e. Pour le coup, c'est le salut est venu de l'expérimenter. Ouais, c'est ça, ça pouvait venir que de lui, hein, de toute façon, je pense, hier, parce que quand tu as une équipe qui est apathique et que tu n'as qu'un joueur créatif et un petit peu foufou, je dis foufou dans le bon sens, hein, capable d'avoir des petits éclairs de génie qui peut essayer de te remettre tout ça à l'endroit, et effectivement, il le fait. Ça, conjugué à la arme de Rassoul, que je trouve qu'il se jette bien sur le ballon, sur le 2-1, fait qu'on n'a plus y croire. Mais là, je suis d'accord avec JC, et je vais continuer à bouffer le conducteur, du coup. C'est là où on a manqué d'entrain, parce que tu dois enchaîner, tu dois mettre une deuxième lame. Enfin, on sait que cette équipe, elle est capable de foutre la tête sous l'eau à beaucoup d'équipes de Ligue 1. Et hier, si tu passes en mode rouleau compresseur après le retour à 2-1, 11 contre 10, il y a moyen d'aller chercher le nul, et on ne l'a pas fait, parce que finalement, on a eu assez peu d'occasions après ça. C'est là où, pour moi, hier, dans la tête, il a manqué un petit truc, un peu de conviction, un peu de, je sais pas, un peu de folie, un peu d'entrain, mais il manquait quelque chose. Est-ce que justement, Thomas, est-ce que ce manque de pression, de pressing, cette baisse de régime, elle ne correspond pas aussi à la baisse de forme de Sofiane Boufal, parce que il nous fait un bien fou, mais il n'a pas les jambes pour tenir 90 minutes, quoi. Ouais, mais après, ça, on le sait. Enfin, je veux dire, on a toujours su que Boufal, il arrivait avec une condition physique qui n'était pas ouf. Je trouve ça déjà bien qu'il arrive à faire les 70-75 minutes régulièrement. Et puis lui, hier, sur le terrain, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Son boulot, c'est de donner des bons ballons. Il a fait sa passe décisive. Je ne le trouve pas plus en dedans qu'un autre, si tu veux. C'est peut-être parce qu'on en attendait énormément. Et ça, pour le coup, effectivement. Mais hier pour moi, il fait un match tout à fait correct. C'est un des rares qui joue sa partition, on va dire. Là où je veux en venir, c'est que les autres joueurs, les remplaçants, ne prennent pas le relais. C'est-à-dire que quand Boufal est en bout de course, tu n'as personne derrière pour se boufaliser et rentrer dedans, quoi. Bah, ça aurait pu être le boulot d'un Cadra ou d'un Kejta, mais ils ne font pas la saison qu'on attendait d'eux. Donc, ouais, après, en joueur technique avec un petit peu de punch, Cadra, il revient bien, mais il a été tellement indisponible longtemps que c'est difficile pour lui d'arriver à le faire. Ouais, bah il a fait une entrée intéressante, Cadra, hier, je trouve. Enfin, le peu de temps qu'il a eu sur le terrain, je trouvais qu'il a eu des situations de centres dans la boîte. Alors, effectivement, ils n'ont pas forcément trouvé de preneur, mais j'ai trouvé son apport intéressant. Bah, c'est pour ça que c'est regrettable qu'il n'ait pas pu faire une saison normale, entre gros guillemets, avec ses physiques, parce que ça aurait été sympa de le voir justement retrouver un plein régime. Je pense qu'il aurait pu être très intéressant. Ouais. D'ailleurs, Cadra, il est en prêt avec option d'achat. Je crois que lui, il a une option d'achat. Tout à fait. C'est le seul avec option d'achat. Ouais. Vos têtes abasourdies reflètent la tristesse du supporter. Oui. Ça se voit tant que ça. Avec ce budget, suffisant. Mais attends, mais t'inquiète, on va être positif après. Hein. Ouais. Là, on passe le match. Allez, on avance. On avance. Allez, ok. Allez. Le rythme s'est essoufflé, pardon, hein, on va retrouver le smile. Le rythme s'est donc essoufflé et c'est le PFC qui en a profité avec une relance dans le dos de la défense à la 80e minute. Merde, faut que je parle du troisième but. Allez, on en remet une couche, vas-y, on n'est pas assez triste. Hop, allez, voilà. Alors avec ce troisième but, vous avez vu ce magnifique visuel, toujours, c'est l'école graphisme, je suis en troisième année. Une défense en mode attaque, un Aruna sanganté qui a l'air de jouer le hors-jeu dans sa propre moitié de terrain. Thomas, j'ai plus les mots pour décrire la défense sur ce coup, je suis complètement dépité. Ouais, allez, surtout pour Aruna, bah, parce qu'après c'est lui qui est au marquage, mais je sais pas. Alors effectivement, ce qu'on voit pas, parce que du coup, c'est image ratée, c'est qu'il se foire un petit j'ai, peu. J'ai pas les droits de Ligue 1 Plus. Ah, il va falloir que t'investisses, mon gars. Mais ouais, il se foire un petit peu à la relance, donc je pense que c'est ça en fait. Aruna, à mon avis, il se dit, bah, je vais essayer de l'intercepter, ou il y a peut-être moyen de repartir de l'avant. Et malheureusement, finalement, la balle passe dans son dos, puis après, bah, c'était malheureusement fini. Donc. Surtout quand tu as un Lismelou en attaque, c'est pas le genre à faire n'importe quoi avec le ballon. Mais oui, il se stoppe d'un seul coup quand il voit la relance qui est foirée dans un premier temps puis qui parvient ensuite. Et puis après, bah oui, effectivement, je pense pas qu'il joue le hors-jeu. Je pense qu'il a senti un truc, il a voulu essayer de faire une interception, je sais pas, enfin de se préparer à l'intercepter. Il a vu quelqu'un dans les tribunes, il voulait peut-être lui dire bonjour. Peut-être dire bonjour au cop, va savoir. Mais après voilà, c'est un match sans, donc de toute façon, voilà, c'est pas la plus grosse étourderie qu'on ait vue d'Aruna Sanganté. Après, voilà. C'est terrible ce que t'es en train de dire. C'est terrible. Bah, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est pas une sorte de concentration. Je pense qu'il tente un truc et qu'il n'y arrive pas, enfin, qu'il se dit qu'il y a un truc à jouer et que malheureusement, c'est pas le cas. Mais on l'a vu faire des vrais sautes de concentration, Aruna. Pour moi, hier, c'était mauvaise victoire. Voilà, c'est qu'il nous habitue à en avoir, du coup, cette saison. C'est ça qui me pose un problème pour le capitaine du club, tu vois. Ça, je suis d'accord. Ouais. En ce moment, un petit peu beaucoup, ouais. Je sais pas ce que Vivien t'en pense, mais c'est vrai que l'inconstance de Aruna Sanganté dans une défense en plus expérimentale, on va dire, avec des jeunes, etc., c'est pas le moment de flancher. Et là, c'est vrai qu'hier soir. Ah non. Oui, bah, comme disait. On découvre pas le problème de Sanganté. Voilà, c'est pas comme Seco. Alors, sauf que Seco, hier, c'était pas ça non plus, mais c'est pas comme Lloris, c'est pas l'assurance sous risque. On sait que sur un match, il peut faire 10 interventions de top class. Et puis derrière, se viander complètement sur une relance ou sur une intervention ou sur une faute de concentration. Donc on le découvre pas, Aruna. Hein, il a toujours été comme ça. Donc c'est terrible. Ouais, mais bon. Enfin, malgré tout, il a quand même des matchs où il nous sauve la baraque. Hein, faut pas non plus tout. Oui, en fait, ce que je disais, c'est que Aruna, il est top pendant un match et après, il va être. Complètement inconstant, se foirer sur les matchs qui suivent. Il sort un top match pour 3 matchs pourris, tu vois, j'exagère, oui. Mais tu sais pas quoi t'attendre avec lui qu'un Gauthier Lloris, tu sais qu'il est constant. Après, je veux pas non plus insister trop sur lui, parce que là, sur le match, en tout cas sur le match d'hier, c'était pas le joueur à qui on peut faire le plus de reproches. Hein. Non. Seco, on dit beaucoup de bien de lui, mais son match d'hier était totalement affreux. Hein. C'est son plus mauvais match, je pense. Ah, mais de loin. Ouais, je pense. Peut-être même le seul match raté depuis le début de la saison, hein, véritablement. Ouais. Et voilà, il s'est mis au niveau des autres. Tout le monde, en fait, a été médiocre. Donc le seul qui a peut-être tiré son épingle du jeu, c'était Dio, notre gardien, qui a fait des arrêts intéressants. Sur les buts qu'il prend, on peut pas lui reprocher. Et Bouffal, effectivement. Et puis le reste, c'est le néo absolu, quoi. Hein. C'était vraiment pas bon. Hein. Eh ben, on va en profiter. Je vais vous passer les notes de l'équipe. Je déprime de space en space parce que les étoiles disparaissent les unes après les autres. Ça me fait du mal. Ça me fait mal, mais voilà. C'est vrai qu'on a été un peu dur avec Mori Diaw, je trouve. Moi, je lui ai mis un petit 3, moi. Hein. Moi, j'étais. Je lui ai mis 2,5, je crois. Moi. Donc, c'est vrai. Puis on était de moins, on était que 3 à noter cette fois. Hein. D'habitude, on est 5. Là, on était que 3 à noter. Mais bon, voilà, de toute façon, ça reflète le match. Hein, On voit bien que les Pérou ont tout faire, par exemple, hein, quand t'as Kofi à une étoile et Nego à 1,5. En même temps, la première mi-temps, on s'est fait carrier sur les ailes, quoi. Loïc, le 1,5 de Nego, c'est parce qu'il est resté tout le match. Je pense que c'est juste parce qu'il a tenu, tout ce temps. Voilà. Non, mais c'est vrai que Seco a pas été bon comme d'habitude. Kerémé 5 étoiles. Bah ouais, mais il a Kerémé, c'est vrai qu'il est rentré, il a mis un coup de boule, il marque. Donc on va en reparler juste après éventuellement. Bah justement Kerémé ouais à la place de Lucas Gourna pour la pour 30 secondes, je sais pas pourquoi il a fait rentrer Kerémé. Oui, c'est bizarre, un drôle de choix, ouais, j'ai pas compris par le coup. Ouais. Mais au final un bon coup de boule, un bon coup de tête au deuxième poteau sur un corner. Un bon but, franchement, ouais, c'est dommage qu'il arrive à ce moment-là. Coup de cœur venu du banc, Émilie, j'avais pas la place, parce que les gars, ils ont tenu à... Enfin, ils voulaient noter Pembele et Keshta parce qu'ils ont joué quand même une bonne partie du match. Bah, plus que les deux autres, hein, donc... Mais coup de cœur venu du banc, pour nous, alors, en off, c'était plutôt Kadra. Parce que Kerémé, le problème, c'est qu'il est rentré 30 secondes, donc effectivement, il a mis un coup de boule, un but. Bon, c'est efficace, mais c'est vrai que juger et noter un joueur pour 30 secondes, c'est quand même c'est compliqué. Quoi. C'est, mais j'entends bien ce que vous dites hein, par rapport à ça. Samata, 5 étoiles. Bah, Samata, ouais, Samata fait du Samata, les gars. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Mais... Bah, Samata, il a fait une tête et puis c'est tout. Hein. Voilà. Bon, ouais, donc, les garçons, je vous propose qu'on passe à la suite parce que là, je pense qu'on va perdre tout le monde. Samata, du coup, il fait passe décisive hier, non ? Ouais. Ah ouais, il fait une tête. La première fois qu'il est décisif cette saison, mine de rien. Il fait une belle tête. Incroyable. De la saison, ouais. Alors, oui, vous savez quoi ? Ouais. Je vais retirer les notes. Voilà. Ah oui. Merci. Je me sens mieux. Ouh. Allez, petit point au classement. Voilà, on va commencer les points positifs. Voilà, donc Auxerre est certes revenu à 5 points, mais le HAC a toujours son destin entre les mains. On est 14e avec 27 points à égalité avec l'OGC Nice. Voilà, certes, c'était un match à oublier, mais comme je disais tout à l'heure, le HAC a marqué. Donc on a marqué 2 buts. Est-ce que c'est pas un motif d'espoir, cher Thomas ? Bah ça dépend. Si t'en prends 3 à chaque match, ça va être compliqué, quoi. Oh merde, il recommence. Putain, j'aurais dû donner la parole à Vivien. Alors on va en marquer 2 quand on prend 3, ça fait plaisir, mais qu'à moitié, quoi. Surtout que vu que Auxerre en a mis 3, on est désormais la pire attaque de Ligue 1 ex-aequo avec Auxerre, hein, parce qu'ils nous ont rattrapés. Donc ça dit tout. Hein. Si on se maintient cette saison, moi, je l'avais déjà dit, je le redis, si on se maintient cette saison, ce sera grâce à la défense, pas grâce à l'attaque. Problème, on le voit sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, hein, c'est que quand la défense elle est un petit peu en vrac, eh ben, notre équipe a du mal à enchaîner. Hein. Enfin, on vient quand même de prendre sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, on a pris 7 buts contre Nantes, contre Brest et contre le Paris FC. Hein. Donc, Alors, attends, bouge pas, voilà. Parce qu'on a un bug avec Thomas. Regarde, on a 2 buts. Oui, je te laisse gérer. Ouais, mais du coup, voilà, heureusement qu'à domicile on compense et qu'on a la chance de jouer au CR à domicile. Si on déconne pas, si on fait le meilleur, si la tribune est bien derrière les joueurs et que les joueurs sont bien conscients de ce qu'il faut faire sur ce match-là, ça devrait bien se passer. Si on se met à douter, potentiellement tu relances complètement au cerf, quoi. Ouais, donc JC, le HAC a son destin entre les mains, comme on l'a dit. Et toi, comment tu sens l'opération maintien ? Je vous montre le calendrier des 7 dernières journées mises à jour. Cette fois, j'ai enlevé le Paris FC, je vous ai mis l'OGC Nice. JC, comment tu le sens, toi, déjà cette réception d'Auxerre dans 15 jours ? Bah, c'est un match à ne pas perdre, clairement. Et l'important, c'est les 3 points, quoi. C'est une finale, parce que tu gagnes. Ce serait fait aller à 80%, je pense. Ouais. Tu fais un match nul, ce qui serait fort possible. Bah, tu es toujours dans les feux avec. Enfin, tu as toujours ces 5 points d'avance sur Auxerre, mais bon, t'es toujours dans la course du maintien et tu vas serrer les fesses presque jusqu'au bout. Derrière, tu vas faire 2 matchs à l'extérieur. Nice et Angers, donc c'est ça qui, je sais pas trop quoi. Le problème, c'est qu'on est vraiment très très médiocre là à l'extérieur. Il va falloir prendre des points. C'est là où j'ai le petit doute, quoi. Donc, est-ce qu'on va tomber sur un Angers qui sera totalement absent des débats parce qu'il sera ce club-là sera déjà maintenu ? Bah, c'est dommage hein, d'espérer ça, mais peut-être qu'on va être rendu à ça. Après, il y a d'autres choses que je pense aussi. C'est aussi à l'équipe qui sera probablement complète dans 15 jours. La trêve qui va faire du bien, qui va laver les têtes. Donc, y a quand même pas mal de motifs d'espoir. Hein. On ne va pas se mentir. On a 5 points d'avance. Il reste 7 matchs. voilà, si on fait pas les cons, on doit y être. Ouais, justement, hier soir, hein, sur les réseaux, les supporters avaient la tête à l'envers, ce qu'on comprend, nous aussi, en voyant le résultat d'Auxerre, tout le monde commence à stresser. Moi, j'ai une question simple à vous poser, Vivien en parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez regardé le match de Auxerre face à Brest? Parce que, honnêtement, je ne sais pas si ceux qui nous regardent ont vu le match. Certes, ils ont battu Brest 3-0, oui, ils étaient à 10 contre 11 quasiment tout le match, mais... Est-ce que vous avez vu la prestation de Brest? C'était imbuvable. Ils avaient le niveau de Metz, voire pire que Metz. Éric Roy, l'entraîneur brestois, l'a dit après la rencontre. C'est le pire match de son équipe depuis qu'il est arrivé dans le Finistère en janvier 2023, donc il y a 3 ans. Auxerre, ils ne joueront pas tous les week-ends contre des équipes non. aussi nulles que l'a non. été Brest. Vivien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Brest a été fantomatique. Brest n'a pas joué. Mais vraiment, ils sont restés au vestiaire. C'était lamentable. Ouais. Il faut surtout garder la tête froide. Nous, au niveau supporter, mais aussi, comme le disait Didier Digard, au niveau de l'environnement du club, au niveau des joueurs, au niveau du staff, il ne faut pas qu'on commence à paniquer alors qu'on a 5 points d'avance sur le barragiste, qu'on affronte ce fameux barragiste Auxerre dans 2 semaines à domicile, sachant qu'à domicile on est quand même une équipe dominante, on est quand même sur un parcours, contrairement à l'année dernière, on est quand même très costaud. Donc moi je ne nous vois pas perdre, je nous vois minimum faire match nul et moi je nous vois franchement gagner, parce que dans le stade Océane qui sera certainement, qui j'espère sera comble, on va mettre le bouillon à Auxerre, j'en suis convaincu. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute possible. Je suis jamais serein quand le HAC joue à l'extérieur parce qu'on a vu ces 3 derniers matchs contre Nantes, Brest et hier contre le Paris FC qu'on est, je pense que ça relève de la psychologie, en fait. On perd pas notre football du jour au lendemain. Comme on a pu être aussi solide et intéressant au niveau technique la semaine dernière contre Lyon à domicile et être aussi tarte une semaine plus tard contre une équipe qui est sur le papier inférieur à Lyon. Ça relève de la psychologie, donc je suis certain que dans 2 semaines, comme tu disais, JC, on aura lavé les têtes, on aura l'effectif au complet, parce que Gauthier Loris sera revenu, donc on pourra jouer avec une défense au complet, et certainement Seco qui sera devant la défense centrale. Et voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas, faut pas tomber dans les excès. Alors, faut pas tomber dans les excès, comme il y a quelques semaines, il y a des gens qui commençaient à espérer l'Europe, parce qu'on était sur une série de bons matchs, c'était prématuré. Et là, c'est prématuré de paniquer parce qu'on a perdu hier et que Auxerre a gagné. Il faudrait déjà que nous, on continue à perdre et qu'Auxerre, eux, continuent à gagner. Moi, je vois pas forcément Auxerre faire un parcours de dingo dans les semaines qui viennent. Hein. Donc, moi, je suis calme par rapport à ça. J'étais très énervé hier pendant le match. Il était pour tout vous. Ouais, je suis tellement énervé que je suis parti, en fait. J'ai pas vu tout le match. Je suis parti à la 30e minute. Je vais faire un tour et je suis revenu à la 65e. Mais après, ça m'a permis de faire du bien et de prendre du recul, justement, par rapport à la situation. Et voilà, c'est maintenant à froid. Faut être serein. Faut être confiant. Notre situation actuelle est 1000 fois plus confortable que celle de la saison dernière à la même époque, hein. Rappelez-vous, quand on était à 7 journées de la fin, on n'emmenait pas l'argent. On était loin d'être sauvés. On avait du retard sur tout le monde. On n'était pas au mieux, donc voilà, profitons de ces instants-là. C'est nous qui sommes dans la peau du chassé, on n'est pas dans la peau du chasseur. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, effectivement, tout ça peut, oui. Après, c'est le football, hein, un ensemble de circonstances défavorables de notre côté et favorables pour nos adversaires, ça peut arriver. Mais voilà, faut pas paniquer plus que ça pour moi. Eh ben, c'était bien complet tout ça, Thomas. Quel est ton regard sur la suite des événements? Il faut rester nuancé. Faut quand même pas sous-estimer ce tournoi, hein, parce que si on se plante quand on sert, là par contre ça va gamberger chez nous et ça va être ultra confiance chez eux. Donc faut pas se foirer, faut au moins gratter le nul. Et je pense qu'on a les moyens de s'en poser. Oui. Moi, ce qui me rassure aussi, c'est que je trouve que Nice est plus tarte que nous en ce moment. Et qu'ils ont un calendrier qui est quand même bien plus costaud que nous, à pas se mentir. Alors juste le rappeler pour ceux qui nous écouteront sur Spotify et pas sur qui nous regardons pas sur YouTube, qui n'ont pas le visuel. Nice se déplace à Strasbourg, reçoit le HAC. Ensuite, ils vont à Lille, ils vont à Marseille, ils reçoivent Lens, Ils reçoivent Lens qui joue pour le titre, ils vont à Auxerre qui joue le maintien et ils reçoivent Metz en dernière journée où peut-être que tout sera c'est le seul match facile. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà Thomas, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais pas de soucis. Donc, pour l'instant, je vois plus Auxerre rattraper Nice que nous rattraper nous parce que Nice, ils sont vraiment... ils sont en roue libre. Hein. Ces autres ont encore pris 4. Bon, c'était le PSG en face, mais nous, on n'a pas pris 4 contre le PSG, par exemple. Donc voilà, il faut rester mesuré. Après, voilà, je pense qu'il y a malheureusement, j'espère que ce ne serait pas le cas, mais qu'il y aura un dernier tournant de la saison contre Auxerre. Si on le négocie bien, je pense que derrière, on ne pourra plus nous arriver grand-chose. Nantes, très sincèrement, l'effet coach Vaïd, alors il a pris, hein, clairement, je ne sais pas si vous avez regardé le match hier contre Strasbourg. Mais oui, enfin, je regardais hier. Mais Nantes, c'est le destin qui les a condamnés parce que le match hier, ils ne doivent jamais le perdre. Ils le perdent dans les arrêts de jeu alors qu'ils ont été excellents. Ça fait partie de ces saisons maudites, on a connu ça nous aussi, hein, où même quand tu joues bien, bah, tu perds. Les poteaux. Ouais. Bah, ils ont tapé deux fois le poteau hier, donc je pense que Nantes, malheureusement pour eux, ça va être très dur. Auxerre, voilà, Auxerre, mine de rien, ils sont revenus, ils sont en chasse-patate, hein, pour ceux qui aiment bien le cyclisme. Ils sont au même écart de ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Donc ils sont un peu détachés des deux derrière. Attention, hein, c'est plus trois équipes derrière, c'est deux détachés et un barragiste maintenant. Et ben voilà, ils sont en ligne de mire de Nice et de nous. C'est dommage que nous n'ait pas réussi à se mettre à l'abri. Je pense que Paris FC, effectivement, t'as bien fait de les retirer du visuel. On devrait pas les revoir. Mais voilà, c'est les quatre équipes qui sont là pour bah, une place de relégable direct et une place de barragiste. Bah, cherche à nous de finir dans les deux premiers de ce lot-là, puis on sera bien. Hein. C'est vrai que, alors je vois pas mal de messages passer dans les commentaires. Attends, je vais juste vous le partager. Hop. Nous, les trois derniers matchs, si on tarde à agir, c'est pour ça que le mois d'avril va être important. Crucial. On reçoit Auxerre, on reçoit Metz. Là-dessus, il faut au minimum 4 points. Si on les a, honnêtement, le maintien, pour moi, sera assuré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Et après, tu peux aller à Lille, recevoir l'OM et puis aller à Lorient. Et puis, il y a un truc dont on ne parle pas, dont on parlait beaucoup la saison dernière. C'est aussi ça qui monte. Là, je suis d'accord avec Vivien qu'on est quand même vachement mieux que l'an dernier. Barragiste n'est pas en Ligue 2. Hein. Barragiste n'est pas en Ligue 2. C'est pas chier de finir barragiste, c'est clair. Mais l'an dernier, on priait pour être barragiste à un moment. Hein, oui, moment de la saison, donc, là, honnêtement, ouais. Nantes, on les revoit, je pense. Donc voilà. La question, c'est est-ce qu'on est capable de foirer notre fin de saison au point de devoir se taper un barrage ou pas? Je pense qu'on a les armes pour l'éviter, mais charge aux gars sur le terrain maintenant de se la donner, hein, parce qu'il ne faudra pas faire les mêmes performances que ce qu'on a fait hier, quoi, ça c'est sûr. Barrage, tiens, petite aparté. Pour le moment, il y a Le Mans qui est troisième, le Red Star qui est quatrième, et Reims qui est cinquième. Honnêtement, je préfère éviter une équipe comme Troyes ou Saint-Etienne pour le barrage. Si jamais, par malheur, on devait y aller. On ne va pas parler de ça. Hein. Mais on n'ira pas. On n'ira pas en barrage. Non. On n'ira pas en barrage. Je vais reprendre le conducteur. Moi, il y a un petit truc qui me fait quand même flipper. Et quelqu'un en parlait tout à l'heure dans le commentaire. C'est qu'il y a deux saisons, quand on est monté en Ligue 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a reçu Metz et Nantes à la maison avec, avec aussi qui était en difficulté. Et on s'était dit, il faut absolument les battre. Si on les bat, on est sauvé. On a perdu ces deux matchs 1-0 dans les dernières minutes de jeu. Et après on a cravaché, on est allé faire le nul 3-3 au parc et puis après on a battu Strasbourg à la maison. C'était une autre époque, c'était un autre effectif, c'était deux, enfin je sais pas si on peut comparer les saisons les unes aux autres, je sais pas. Oui, ça effectivement, me fait flipper, ça me fait flipper perso de devoir revivre ces choses-là. À l'époque, il y avait surtout par rapport au match de Metz qu'on avait perdu, il y avait énormément de blessés et de suspendus. Et on n'avait pas une équipe, on n'avait pas vraiment aligné l'équipe type. Donc, puis ils avaient Mikotadze. Ouais. Moi, je me souviens du match. C'est le buteur qui fait que. Voilà. C'est Mikotadze qui leur ramène les trois points parce que sur le terrain, voilà. C'était tardé de côté. Hein. Puis notre équipe était quand même beaucoup moins forte qu'elle ne l'est cette saison en termes de contenu, de potentiel. Enfin, il n'y a pas photo. Hein. On a clairement cette saison l'équipe la plus forte de toutes celles qu'on a pu avoir. Enfin, depuis trois ans en Ligue 1, c'est la plus forte. Même si offensivement, on aimerait que marquer plus de buts, en termes de solidité défensive, en termes d'animation milieu de terrain, de récupération haute, tout ça, il n'y a pas de photo, quoi. Donc, oui, après, on se souvient toujours des moments difficiles dans l'histoire récente du HAC, comme il y a quelques années quand on n'a pas su se maintenir alors qu'on avait X points d'avance. Mais bon, faut justement, ces trucs-là, faut essayer de les évacuer de notre tête et pas, et pas psychoter parce que bon, c'est pas la peine de mal vivre cette situation alors que finalement on est pas mal, quoi. Ouais, là on a clairement notre destin entre nos mains, et puis ce qui fait la différence, c'est que on est quand même très très très bien à domicile. Alors certes, on n'a pas gagné énormément de matchs, mais on n'en a pas perdu beaucoup, voire très très peu. On tient tête. Ouais, on tient tête à tous les cadors du championnat. Lyon est venu faire nul, Monaco nul, Rennes nul. On a battu Nice, on a battu Angers, on a battu Brest, on a battu Toulouse, on a battu Strasbourg. Et on a, en défaite, on a Lens, Lille et Paris. Et Paris, c'est tout. Et encore, il n'y a pas à rougir. Lille, on prend un but dans les dernières minutes, de mémoire. Paris, on perd que 1-0. Contre Lens, on fait un super match. Donc non. Et puis quelqu'un aussi en parlait tout à l'heure au début de Space dans les commentaires. Le stade doit être en feu. Et Didier Digard en a parlé en conférence de presse. Il compte vraiment sur l'appui du public pour aller décrocher ce résultat contre Auxerre. Et ça va être indispensable. J'espère que le stade sera plein parce que là, c'est le moment. C'est maintenant. C'est le moment jamais. Ah ben c'est sûr. C'est pas à la dernière journée, au dernier match à domicile, à l'avant-dernière journée contre Marseille qu'il va falloir ramener son cul juste pour aller voir Marseille. C'est maintenant qu'on a besoin des ciels et marines dans le stade et pousser. Et le club en a besoin. Et c'est pas sur les matchs de gala qu'on a besoin des spectateurs. Je suis d'accord. Hein. Non, eux, ils peuvent rester chez eux. Il n'y a pas de souci. Hein, mais ceux qui viennent que pour voir Paris et Marseille. Là, honnêtement, on a besoin du public pour pousser pour pousser l'équipe à fond, et ça va être indispensable pour moi, vraiment indispensable. Le public va avoir un rôle majeur à jouer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être indispensable. Ah bah si surtout cette année, en fait, je trouve que l'équipe est vraiment très sensible à l'ambiance dans le stade. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une osmose entre l'équipe sur le terrain et puis les spectateurs et les supporters. Donc là, si vraiment on fait le taf dans le COP, mais ça j'ai pas de doute. Que le club sera très bruyant et que les gens dans les autres travées seront présents et pousseront l'équipe pour faire une belle fête. En plus, c'est quand même la carotte, c'est que derrière, si on bat Auxerre, qu'on est sur place au stade et qu'on bat Auxerre avec certainement derrière une victoire qui nous assure le maintien quasi, pas mathématiquement, mais voilà, si c'est un match comme ça, ça donne pas envie d'aller au stade, autant rester chez soi. Enfin, franchement, là, je comprendrais pas. Hein. Par contre, le seul problème, c'est que ce match-là tombe le dimanche de Pâques. Et ça tombe peut-être un dimanche dominical où les gens sont en famille. Moi, je sais que je vais réussir à me libérer parce que j'ai réussi à négocier avec mon épouse et belle-maman, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, quoi. Donc, est-ce que les gens vont pouvoir partir du... Autre problème aussi, c'est le fonctionnement de la billetterie. Parce que là, ils sont en train de vendre les places pour l'OM en pack avec Auxerre et ou Metz au choix. Ils font des packs de matchs. Donc, tu as plein de gens qui vont avoir des places pour Auxerre qui ont envie de voir l'OM. Ah oui, ça, j'ai pas pensé à ça. C'est pas sûr. Enfin, après, c'est pas, je sais pas combien de personnes ce sera. Il y a des centaines qui étaient liées, mais c'est pas la majorité du stade. Mais effectivement, c'est pas le mieux, je pense, pour construire une ambiance pour un match complet, quoi. C'est sûr. Non, parce que ces gens-là vont peut-être prendre les places pour voir le match de Marseille, mais il ne va pas forcément venir au match d'Auxerre, même en ayant acheté les places. Ou les revendre, tu vas en voir. Enfin, la revendre, je pense, pour Auxerre. Dans tous les cas, ils revendent les places pour Marseille. Donc, quoi qu'il arrive. Tu vois plein de places en vente comme contre Paris. Ah, mais t'as raison Thomas, c'est vrai que là, ça, c'est un risque effectivement que ces places ne soient pas occupées, quoi, que les places soient vendues mais qu'elles ne soient pas occupées. Ouais, on sera en forme, mais il faut que ça suive autour effectivement. Hop là, c'est ma faute. My bad. Mais oui, effectivement, t'as raison, c'est le COP sera en feu, c'est sûr, et il faut que que ça prenne dans le reste du stade, que ça suive. Voilà. Mais bon, après, même s'il y a 18 000 spectateurs, même s'il y a 18 ou 15 000, c'est pas grave. Si les gens qui sont présents mettent l'ambiance, ça suffira. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément 25 000 personnes dans le stade pour que ça prenne, quoi. Hein. On a déjà vu dans le passé des belles ambiances à 10 12 000. Hein. À l'époque, on était en Ligue 2 et ça se passait très bien. Donc voilà. Même en Ligue 1, les meilleurs moments que j'ai vus depuis la remontée, c'est les victoires contre des petites équipes. Je pense à la victoire contre Lorient l'année de la remontée, où le stade était loin d'être plein, mais tu avais une ambiance de feu. Donc, je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux avoir un peu moins et avoir des gens qui ont envie d'être là, quoi. Ouais. Non, mais complètement. Là, effectivement, on est entre passionnés, entre supporters ciel et marine. Il n'y a pas de footix. Ah non, contre Auxerre, non, il n'y aura pas de Footix. Contre Auxerre, il n'y a pas de Footix. Alors, avec les Footix auxerrois, à WAV, il ne doit pas y en avoir des masses. Mais non, non, mais là, ouais, là, il y aura on que connaît tous. Des supporters si elle est marine. Ça va être hyper important. L'ambiance va être importante. Et effectivement, ce que dit Émilie est juste. Si les joueurs se donnent, l'ambiance, ça va suivre aussi. Effectivement, c'est un engrenage. Donc, le public pousse. Si les joueurs suivent ce que donne le COP. Ouais. Et moi, je pense à un truc aussi par rapport à ce que dit Émilie. C'est, je pense que pour les petites équipes de Ligue 1, avec beaucoup de guillemets, parce qu'il n'y a que 18 équipes en Ligue 1, donc c'était déjà dans le top 18 du pays, on a quand même une ambiance qui est assez particulière, qui est assez forte par moment. Alors effectivement, ça ne prend pas tout le temps. Mais moi, je me souviens d'Ayou qui avait très vite parlé du public. Là, il y a Sofiane Boufal, je crois que c'est la semaine dernière, dans une interview qui parle aussi du rôle du public à Océane. Donc je pense que, voilà, on a fait des déplacements. Enfin, t'as vu Angers, comment c'est calme, Angers. Moi, j'ai fait Reims l'an dernier, c'était très calme. Enfin, pour les équipes, on va dire, de deuxième partie de tableau, je trouve qu'on a une grosse ambiance, entre guillemets, quoi. De ce que moi, en tout cas, j'ai pu constater. Nice, ils ont un stade qui est magnifique, mais qui est tout le temps vide, à part contre les gros clubs. Ouais. Angers, effectivement, l'ambiance, elle est pas dingue. Même Rennes, à chaque fois qu'on se déplace, le parkage défonce le stade, je voudrais pas dire, mais à chaque fois. Ouais, t'as quand même une bonne base de supporters au Havre. Hein. Ah oui, non, c'est un gros point positif depuis qu'on est. Puis même d'avant, mais c'est vrai que les supporters sont largement à la hauteur au niveau Ligue 1. Enfin, pour moi, on est vraiment top 10 des meilleures ambiances de Ligue 1. Et, ouais. Puis tu vois, même quasiment à chaque déplacement, il y a des animations en parkage. Enfin, t'as pas tout. C'est pas tous les clubs qui font ça, hein, parce qu'il faut se déplacer, c'est déjà bien. Il faut se déplacer et organiser un truc dans le parkage. C'est fait quasi systématiquement, donc il y a beaucoup de parkages où ils font des animations. Bon, l'exception étant, je sais plus quel parkage, je crois que c'était à Brest où ils étaient 70 parce que c'était Brest quand même. Mais voilà, à domicile comme extérieur, c'est quand même du bon niveau dans l'orga, dans la prestation visuelle aussi, parce que même encore hier, la banderole, je la trouvais magnifique. Donc, ouais. Les pontos, c'était carrément visuellement, c'était génial. Dans la télé, jusqu'au 2-0, on entendait que, je trouve qu'après, c'était un petit peu moins le cas, mais. Ben voilà, ne serait-ce que pour ça, il faut que les joueurs se dépouillent, je suis d'accord avec Émilie, parce que les supporters, en particulier la Tribune Cop, mais tout le monde autour, ils attendent que ça pour s'enflammer, donc donnez-nous des raisons de gueuler, quoi. Et ben c'est beau, c'est une belle conclusion, je trouve. C'est pas prévu, ok. Est-ce qu'on était en faux hier, et ça l'a pas trop fait non plus. Je vois pas ce qu'il veut dire. Les meilleures ambiances sont ceux où le stade n'est pas rempli. Effectivement, c'est ce que tu disais, Thomas. C'est plus contre les petites équipes ou, en tout cas, entre guillemets, petites équipes. C'est pas sur les gros matchs qu'il y a la meilleure ambiance, effectivement. voilà, j'espère que dans les commentaires, on vous a donné un petit peu de peps, un petit peu de positif, parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. En feu, il voulait dire merci, Émilie. Émilie décrypte le Loïc. C'est bien. Merci. On était en feu hier et ça l'a pas trop fait non plus. Ouais, ouais. Voilà. Excuse-moi. Ouais, Loïc, c'est vrai, on l'a pas dit, mais il y a eu un beau craquage aussi au début du match. Ouais. Oui, ouais. Non, mais c'est visuellement, au niveau des oreilles, c'était vraiment impeccable, franchement. Ouais. Il n'y a rien à dire. Enfin, bref. Voilà, donc on arrive à la fin de l'émission. Trêve internationale oblige, on va devoir patienter sagement jusqu'à début avril avec comme amuse-bouche les matchs amicaux de l'équipe de France. Ouais. Super. Et leur nouveau maillot directement créé avec les sièges du RER. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo. Ouais. Là, m'a fait ouais. Alors moi par contre, vrai coup de cœur sur maillot extérieur, c'est peut-être parce que je suis prof d'anglais, mais l'hommage à Statue de la Liberté, ah ouais, je valide. Je le trouve magnifique. Avec le petit logo cuivré, l'hommage à Statue de la Liberté, je le trouve magnifique. Pour une commission aux États-Unis. Je l'ai pas vu. Attends. Je l'ai pas vu. Très très beau après avoir le rendu sur un match. C'est ça. Surtout qu'après on va jouer avec ce match-là, enfin avec ce maillot-là contre le Brésil qui va jouer en jaune. Donc. On jouera peut-être en bleu dans ce cas-là. Non ouais. J'essaie de trouver une photo. Et après, mais on va jouer en vert. Contre le Brésil. Ouais. D'ailleurs, on joue qui là pour les matchs? On joue le Brésil. La Colombie, hein? Colombie. Brésil, Brésil jeudi et la Colombie dimanche. Et c'est où? C'est en France les matchs? Non, aux États-Unis. C'est vrai? Ah, ouais. Non, mais. Et Didier Deschamps est encore sélectionneur ou pas? Ou c'est Zidane, c'est fait ou pas? Ah, foutre de ma gueule. Mais d'habitude, je regarde toujours l'équipe de France et tout. Mais alors là, honnêtement, je suis tellement focus sur le hack que je m'en fous, en fait. Ouais. Bah, moi, totalement. Voilà. Attends, j'ai cette image. Je vous la passe. Attends. Hop. Voilà. Elle est pixelisée, hein, ouais, que dalle. Non, c'est moche. Ouais. Bon, bah, écoute, on verra. On verra ce que ça va donner. Bon, c'est toujours sympa de voir un petit France-Brésil, ça nous rappelle des bons souvenirs. Toujours bon à prendre. Ouais, toujours bon à prendre, c'est clair. Petit point en tout cas sur les autres formations à fraise. Avant de nous quitter, les féminines ont arraché le nul au Stade Océane contre le club des Footix du Sud et gardent toutes leurs chances de se maintenir une nouvelle fois en première ligue Arkema. Quant à la réserve du bac. Excuse-moi. Les Footix du Sud ? Le petit taquet. Peu, ouais. Quant à la réserve du hack, elle s'est une nouvelle fois inclinée, cette fois 2-1 contre Gonfreville et peut dire adieu à la montée en N3. Ça, par contre, les gars, j'aimerais vous entendre, c'est quand même un sacré coup dur. Hein. Surtout qu'on se rappelle qu'à l'intersaison, on avait pas mal recruté pour jouer la montée. Hein. Bah, c'est mort, ce sera pas cette année. Hein. Merci Thomas. Non, mais justement, alors je sais pas si on aura Mathieu Baudemer en fin de saison, mais ça fait partie des questions que moi je me pose. C'est extrême paradoxe au niveau de la réserve et donc des montées aussi de la cavée verte. T'as rarement eu autant de jeunes de la cavée en première. Je lui envoie un texto. Ouais, vas-y, note. Mais t'as jamais eu autant de jeunes quasiment de la cavée en première sur ton première division, donc c'est que le centre de formation fonctionne bien. Et paradoxalement, la réserve, elle piétine, quoi. On est cinquième en régional 1, c'est ouf, quoi. Regarde, tu vois, et Emilie, elle nous apporte plein de bonnes réponses ce soir. Regarde, la réserve, elle piétine, voilà. Bah, c'est pas faux. Mais du coup, voilà, est-ce que c'était le projet? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que bah, tu dis, voilà, c'est une génération qui carbure, tu dois quand même survoler le régional, et c'est pas le cas, quoi. Cause à effet. Ouais, ouais, et du coup, c'est pas le bon plan de rester en R1 pour faire monter nos jeunes, quoi. Non. Ça va être compliqué pour la suite. Donc c'est vrai que j'espère qu'on aura Mathieu pour le bilan de saison. On va croiser les doigts, je lui demanderai. Je vais attendre que le maintien soit passé et puis on invitera Mathieu. Parce que, en plus, il en avait parlé déjà l'an dernier quand on l'avait eu. Ouais. C'était clairement l'objectif de monter et je pense que ça doit fulminer un petit peu. Ouais, non, mais c'est clair. Non, puis ça serait cool, j'en reviens à ça, d'avoir Mathieu Baudemer en direct du stade Océane depuis sa chambre. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'on reçoit Mathieu, il est toujours au stade. Ouais. Là, on verra peut-être de sa chambre. Ouais, on prend les caméras, puis on y va direct. Ben, pourquoi pas? Oui, ça va bientôt se faire d'ailleurs. Voilà, petit teasing. Le Space bientôt à Océane. Allez-vous à Angers, messieurs du Space? Figurez-vous que le match a été décalé du dimanche. Au début, c'était prévu dimanche à 17h15 comme d'hab, hein, le créneau des losers. Et on a été redéplacé le samedi à 19h. Et bonne question, qui y va? Vous y allez ou pas, les gars? Non, pas à réfléchir. À réfléchir. Je là comme ça, je ne sais pas, c'est pas spécialement loin de chez moi, donc pourquoi pas. Et toi, Guillaume, tu y vas? Je sais pas. Je serai déjà à Angers le dimanche pour raison familiale. Donc, je sais pas si je peux y aller la veille. Donc, suspense. J'aimerais bien. Moi, le parquage me donne encore des sueurs froides, donc j'y retourne pas. T'as peur de taper des pieds dans le parquage et de casser, que tout se casse la gueule. Elle est flippante, cette tribune. Le stade est beau, mais la tribune visiteur, elle est très flippante. Ouais. C'est particulier le parquage Angers. Il est bien, on est bien reçu, hein, mais effectivement, c'est vrai que le parquage, il est un peu. Faut aimer le danger, quoi. Faut pas avoir peur quand tu. Moi, la prochaine fois, je rentre les yeux fermés, je pense, dans le parquage. Possible, mais danger. Qu'est-ce que tu veux dire, El Taco 76? Dis-nous. Si tu veux bien. Ouais. Nous éclairer sur ce que tu veux dire. Et après, Angers, pour le coup, eux, ils sont vraiment en roue libre. Ils ont fini leur saison, ils sont maintenus, ils s'en fichent complètement de ce qu'il y a derrière. Il y a moyen d'aller faire un truc là-bas. Hein. Ouais, et puis, quand tu vois leur jeu par moment, ils ont bien, bien performé par moment. Encore c'est un jeu de mots effectivement. Ils ont bien performé sur les matchs où il fallait, ils sont allés battre Nantes là-bas, et puis maintenant, tranquille, hein, c'est... Ouais. Ouais, ils ont fini leur travail. Je pense qu'ils sont en train déjà de préparer la saison suivante. Il faut voir si les ventes qu'ils ont fait. Donc là, ils atterrissent tranquillement, ils reconstruisent et puis Et puis voilà, ils repartiront, quoi. Exactement. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, sachant qu'ils ont été déplumés au mercato hivernal. Donc, ils ont pris les points qu'il fallait. Voilà, le match à Nantes qui était extrêmement important pour eux. Et là, oui, bah, ils vont essayer de grappiller des points à domicile. Ça me paraît logique. Quand tu reçois le Havre, voilà, tu te dis, bon, bah, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de débattre. Mais c'est vrai que pour nous, potentiellement, c'est un endroit où on peut gagner. Hein. Petit mot de la fin pour Kérémé. Marine, elle insiste. Elle veut qu'on dise quelque chose sur Kérémé. Tu crois que son but va lui permettre de revenir à Kérémé? Alors, moi, déjà, ce qui m'a chagriné un petit peu pour lui, le pauvre, je l'ai dit dans mon débrief à côté, hein, sur une chaîne concurrente, allez voir. Ce qui m'a chagriné, c'est qu'il a même pas pu célébrer son but parce que bah voilà, c'est un but qui est entre guillemets anecdotique dans le sens où bah tu sais que tu pourras pas égaliser. Contrairement à Gori, ce traître. À Gori, voilà. Et c'est dommage parce que bah je me demande si c'est pas son tout premier but en Ligue 1. Hein. Je vais pas souvenir qu'il ait déjà marqué en Ligue 1 avant. Donc tu te dis bah voilà, quand t'es attaquant, quand t'as une saison qui est quand même compliquée pour lui parce qu'on l'a pas vu, tant que ça. Bah ça aurait pu être une explosion de joie. Au lieu de ça, il est obligé de contenir parce que bah l'équipe est en train de se noyer. Mais j'espère qu'à titre personnel, ça peut le relancer parce qu'effectivement, hein, il n'est pas si loin d'un Mambimbi, il n'est pas si loin d'un Sabata, d'inquiétant, d'un Gougou. Donc pourquoi même pas. Au-dessus, je pense, bah, les prestations, enfin, le peu de fois qu'on l'a vu, moi, j'ai trouvé intéressant. Par rapport à Mambimbi, oui, je pense qu'il il nous apporterait bien plus que ce joueur-là, hein, moi, je pense. Hein. Moi, rentrer déjà dans la rotation, une rotation un peu comme Kadra qui revient petit à petit et pourquoi pas briguer une place de titulaire. Mais Kérémé, oui, pour moi, il doit faire des sorties de banc. C'est le profil d'attaquant rapide. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Oui, voilà. Pas grand-chose. Ouais. Bah, actuel des attaquants, de toute façon. Et puis du coup, en termes de stats, désormais, bah, il est dans le top 2, hein, vu qu'avec un but chez nous, tu es le deuxième meilleur buteur, deuxième meilleur attaquant buteur de l'équipe. C'est terrible. Oui. Bah, ouais. On a des gens qui sont chauds au niveau jeu de mots. J'espère qu'ils vont vendanger. Ouais, j'ai pas tout suivi. Regarde, t'as Loïc aussi. Fut aimé le danger. On fera un top 3 de vos meilleurs vannes la prochaine fois. Danger. Vous êtes chaud, hein. C'est bien, ça vous inspire. Et si tu rajoutes un A et un V, ça fait Avengers aussi. Ouais, ok. Ouais, mais s'ils ne pouvaient pas être les Avengers, c'est votre. Que dit Loïc là? Attends, je pointe dans la bonne direction. Il passe décisif contre Rennes. Du coup, c'est l'attaquant le plus décisif après Soumaré, parce que bah, avec un but et une passe décisive, je crois que c'est le seul à avoir fait les deux. Donc effectivement, Gotham, par rapport à son temps de jeu réduit, bah, il est relativement efficace, on va dire, pour un attaquant. En même temps, on est qu'au début de saison, c'est normal que les stats ne soient pas aussi élevés. Ça, on y est tranquillement, on verra en deux parties de saison. D'ailleurs, on est mois d'août, je suis en pull, j'ai super chaud. Non, mais enfin voilà. Dis donc, j'aime bien cette petite impro fin de space avec vous, c'est sympa. Bah, c'est des gens qui réalisent bien aussi, merci à toute la communauté. Ouais, non, mais c'est cool. C'est vrai que de base, avant, on était sur Twitter, il y avait des interactions tout pareilles dans les commentaires. Et là, je trouve que c'est même encore plus fluide. Je le redis d'ailleurs, si vous voulez venir faire des vannes et tout en direct, même pas en vidéo, vous n'êtes même pas obligé de mettre la caméra. Regardez, si j'ai envie d'enlever ma tronche, je peux, je crois. Attends, comment je peux faire? Je sais plus. Regarde, voilà. Si vous voulez plus voir déjà, voilà. Si vous voulez pas mettre votre tête en caméra et que vous avez juste un micro, vous pouvez. Vivien, tu nous entends? Bah, Vivien, il a coupé les deux. Ce gag. Il est parti se coucher, là. Bob, on va aller manger. Mais ouais, carrément, mais continuez. Eh, Vivien, tu peux revenir. Hein. Attends. Ah bah voilà, il est revenu. Ah non, mais c'est carrément barré, quoi. Mais qu'est-ce je me que suis trompé... Je me suis trompé de bouton. Avec mes grands doigts boudinés, je suis trompé de bouton. Ah là là. Oh, mais ce sketch. Oh, la technique. Désolé. Oh mon Dieu. Je suis encore resté au Minitel, c'est pour ça. Alors, on sent un peu la moyenne d'âge de l'équipe là quand même, hein. Ça nous pèse un peu la technologie. Oh la vache, si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez venir participer, on a besoin de rajeunir l'équipe. Mais j'ai moins de 50 ans en plus, je les ai, moins de 50 ans, j'ai 49. Ah bon, on a perdu Guillaume du coup. On a perdu Guillaume, hein. Appareil non connecté, t'as mis dans le studio, donc... Qu'est-ce qui se passe avant que ça se termine, sinon ça se trouve mon PC va exploser avant la fin. Bon, c'est où Guillaume? Ben non, il est plus là, j'ai appareil non connecté. C'est vraiment pas drôle. Hein. Ah ben, il dit, je voulais te finir, tiens, dans le chat. Eh ben, écoute, on va finir comme ça, du coup. Si tu n'as pas le temps de revenir, mon Guillaume, je te laisse 30 secondes, sinon je fais des bisous à tout le monde. Bon, allez, on va... aussi défaillant que l'équipe, je crois. Ouais. Le revoilà. J'ai peur, hein. Bah alors, sans blague, je voulais désactiver la caméra, mais je crois que je suis aussi nul que Vivien. Bah pareil, t'as fait exactement le même move que moi, dis donc. Ah, oh, les anciens. Oh, la loose. Eh ben nom de Dieu, ça c'était un space. On va s'en rappeler de celui-là, dis donc. Alors j'avais pour objectif que vous repartiez avec le sourire. J'espère que c'était le cas. Alors, j'espère que vous allez repartir avec la banane. Bon, on va vous laisser quand même. Hein. C'est vous qui bossez chez DAZN. Ouais, on a bossé chez MediaPro, chez DAZN. Avec le succès qu'on connaît. Ouais. Bon, enfin bref, on va vous laisser hein, parce que c'est pas le tout. C'est pas qu'on s'ennuie, on se marre bien avec vous. Hein. C'est cool, on resterait bien, mais quand même, il faut aller dormir un moment. Surtout Vivien et moi, a priori. On va se retrouver dans 2 semaines pour débriefer ce match crucial contre la JOCR. J'espère que vous serez nombreux et surtout heureux parce que le hack aura gagné. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de notre ami Thomas qui s'appelle Nasty. Voilà, foire de la pub, Thomas. Thomas qui nous fait régulièrement. La pub pour le space dans les débriefs pour rameuter des gens. Donc, voilà, ça fait du bien d'avoir des chaînes YouTube dédiées au hack, donc ça c'est cool. Ouais, plus on est de fous, plus on rit. Donc ouais, c'est cool. Et puis Thomas, tu fais ça depuis un bon moment déjà. Et voilà, des petites vidéos d'analyse d'avant-match, d'après-match, etc. Donc voilà, pensez à vous abonner à la chaîne de Thomas, à la chaîne du space. Pensez aussi à la partager à tous les supporters Ciel et Marine, parce que qu'on soit encore plus nombreux à se marrer et à voir à quel point on est nul en technique. Mais non, mais plus on sera ensemble, plus on sera nombreux, plus ça sera mieux, évidemment, ça sera cool. C'est toujours un plaisir d'échanger et de partager notre amour du hack. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à venir nombreux. Bref, je vous fais des bisous. Les gars, merci, c'était cool. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, allez le hack. Allez le hack. Allez. Bisous à tous. Bonne soirée à tous. Salut. Salut à tous.